Lady Lisle par Marie-Elisabeth Braddon. Chapitre 1er. Après 8 ans. Un coucher de soleil d'automne dorait les sombres massifs de Genêt et les franges tremblotantes des bruyères qui couronnaient le sommet d'un coteau du comté de Sussex. Au loin se mêlaient à la voix étouffée, plaintive du vent de septembre, les lamentations de l'océan lointain. Sur un étroit sentier bordant cette hauteur, allait et venait une femme vêtue d'habits de deuil, qui ne cessait de regarder l'horizon en feu et la ligne empourprée de la mer. Un enfant âgé de 7 ans environ courait parmi les buissons, s'arrêtant çà et là pour cueillir les fleurs jaunes, que 5 minutes après, il foulait aux pieds. Au bas de la montagne, la fumée de 2 ou 3 chaumières rompait seule l'extrême solitude de ce paysage aride. Mais sur la route tortueuse, qui saignait le flanc du coteau, un petit phaéton, attelé de 2 impatients chevaux Isabelle, attendait les personnes qui l'avaient amené. Cette voiture était là depuis près d'une heure, et le groom était là d'aller, de venir et d'écouter le bruit que faisaient les perdrix en volant, et la détonation du fusil de quelques chasseurs qui retentissait au loin dans la plaine. « Quand rentreras-tu, maman ? » dit l'enfant, en courant se placer à côté de sa mère. « Bientôt. Je suis si fatigué. M'en reparte. » En disant ces mots, elle mit sa main caressante sur l'épaule de l'enfant, mais ne détourna pas son regard du côté où le soleil disparaissait derrière la sombre ligne de la mer lointaine. « Mon enfant, le docteur Parsons dit qu'il te faut de l'exercice. C'est pour cela que je t'ai amené ici. Cours, cours, mon chéri. Je déteste courir. Viens avec moi, maman, jouons aux chevaux. » La dame soupira profondément, et serrant davantage son châle autour de sa taille, elle se mit en mesure de céder à la prière de son enfant. C'était une femme mince, de haute taille, et qui paraissait très délicate. Sa beauté était éblouissante. Ses grands yeux, d'un bleu clair et d'une nuance charmante, manquaient peut-être un peu d'expression. Un nez fin et petit, une bouche qui ne dénotait pas une bien grande force de caractère, et de longs cheveux flottants du blond le plus pâle, complétaient l'ensemble de sa physionomie. Elle lui fait une poupée magnifique, mais ce n'était pas une très belle femme. Elle serra encore son châle, en noua les 2 bouts derrière sa taille, les donna à tenir à son fils, puis elle se mit à courir en montant et en descendant sur le bord de la montagne. L'enfant l'excitait d'une voix faible et criarde. C'est ce qu'il appelait jouer aux chevaux. Elle courait très lentement, mais assez vite pour contenter son fils. Bientôt, pourtant, la respiration lui manquant, elle s'arrêta brusquement, tenant ses 2 petites mains gantées sur son cœur qui battait avec violence. L'enfant continua à tirer sur la frange du châle. Sur le sentier exactement en face d'elle, se tenait un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 8 ans. Les derniers rayons du soleil éclairaient son visage pâle et olivâtre, la dernière lueur montante de l'astre se reflétait dans ses yeux bruns, et sa grande ombre s'étendait, étrange et gigantesque, sur la colline qui était derrière lui. « Le capitaine Walsingham ? » s'écria-t-elle avec un léger frémissement de terreur dans la voix, qui n'était ni un soupir ni un cri. « Lady Lisle, » dit l'autre en soulevant son chapeau. Le vent de septembre effleura les mèches de ses cheveux noirs et les chassa de son front bas. Il était beau, mais sa sombre beauté avait un caractère particulier. Ses traits étaient lourds, mais parfaitement dessinés, son teint olivâtre, et ses yeux bruns semblaient noirs comme la nuit, tant ils étaient ombragés par leurs cils épais. Il était grand, large de poitrine et assez fort. Il portait à la main une canne sur la pomme d'or de laquelle il s'appuyait. Il ne parut pas surpris de cette rencontre, et ses manières ne dénotèrent qu'une faible animation. Après un moment de silence, il dit « J'ai lu dans un journal qu'il était mort. » Elle jeta sur lui des yeux surpris et embarrassés et murmura « Je vous croyais dans l'Inde. » « Oui, mais j'ai lu sa mort dans un journal. Je buvais de la bière dans un club de Calcutta avec plusieurs camarades qui jouaient au billard. Quelqu'un me mit dans la main un journal anglais. Je lisais rarement les journaux, mais je lus celui-là. Et je vis entre autres décès celui de Sir Reginald Lisle, baronnet de Lislewood Park, dans le comté de Sussex, âgé de 29 ans. Le Dalhousie mettait à la voile le lendemain et je partis. Alors vous-même, je vous aime toujours. Je vous aime plus que jamais. » Il prit dans la sienne la petite main gantée de Lady Lisle et la pressa doucement sur ses lèvres. L'enfant tira avec force le châle de sa mère et criait « Qui est ce monsieur, maman, et pourquoi embrasse-t-il ta main? Pourquoi t'aime-t-il? Ce n'est pas mon pauvre papa. » Le capitaine Walsingham posa sa main sur la tête de l'enfant, et tournant son visage pâle et maladif du côté de la lumière mourante, il le regarda avec attention et dit « Vous ressemblez à votre maman de visage et de caractère, Sir Rupert Lissell, et vous et moi serons bons amis. Je jouerai au chevaux avec vous. » « Alors je vous aimerai bien, » dit l'enfant. « Vous avez été étonné de me voir, Lady Lissell. Cependant, quoi de plus naturel ? J'ai lu la mort de Sir Reginald dans un journal. Le lendemain, je suis parti pour l'Angleterre. Arrivé à Douvres, je me suis assuré que vous habitiez toujours Lisselwood. J'y suis venu tout droit sans même aller à Londres. En arrivant à la maison, on m'a dit que vous étiez sorti dans la voiture au poney, et je suis venu vous trouver ici. « Pourquoi ici ? » demanda-t-elle. « Vous ne devinez pas. » « Parce que c'est sur ce coteau que nous nous sommes séparés en septembre, il y a 8 ans, et parce que je pensais que vous viendriez quelquefois revoir cet endroit. « Vous viendrez demeurer au château avec nous ?»« Non, je descendrai au Lion d'Or, à Lisselwood, et je traverserai chaque jour le parc. Si j'habitais votre maison, on ne manquerait pas de jaser sur votre compte. Vous avez raison. » Elle avait si rarement pensé par elle-même et avait été si accoutumée à agir d'après les opinions des autres que les idées les plus simples et les plus évidentes ne semblaient jamais lui venir spontanément. « J'ai vu votre voiture là-bas sur la route et j'ai reconnu la livrée de Lissell. Voulez-vous me ramener avec vous ?»« Oui. Si vous voulez venir, nous dînons à 7 heures. Il est plus que cela, je pense, mais je me fais souvent attendre. On y est habitué. Venez, Rupert. » Elle prit l'enfant par la main, et tous trois descendirent le coteau. Le capitaine Walsingham marchait à leur côté. « Vous me dites que vous êtes content de me voir, » dit-il, après un moment de silence, en frappant avec le bout de sa canne la bruyère pendant qu'il parlait. « Et cependant, vous n'avez pas l'air joyeux. » « Vous m'avez tant fait peur. Vous auriez dû m'écrire pour m'annoncer votre arrivée. Je ne suis pas très forte. » « Non, » dit-il avec un singulier sourire, qui était presque dédaigneux. « Vous n'avez jamais été forte, ni pour résister, ni pour souffrir. Pardonnez-moi, Lady Lissell. Le ciel seul sait si ce défaut est dans votre âme ou dans votre constitution. Je me demande quelquefois si vous avez une âme. Vous êtes toujours si cruel, Arthur, » dit-elle, et ses grands yeux bleus se remplirent de larmes. « Envoyez votre fils à la voiture, et promenons-nous ensemble pendant quelques minutes. » Elle obéit aussitôt, et le jeune enfant rejoignit en courant le phaéton et grimpa à côté du groom. « Claribel, » dit le soldat avec passion, « savez-vous que pendant des années passées au loin, dans l'Inde, je me suis souvent agenouillé, et j'ai prié Dieu de nous réserver cette rencontre de ce soir. C'était une prière impie, n'est-ce pas ? Car elle demandait la mort d'un homme qui ne m'avait jamais fait de mal, et cependant elle m'a été accordée, peut-être, hélas, pour mon malheur. C'était la prière d'un homme passionné, fou, aveugle, désespéré. C'était la prière d'un païen. Combien de fois me suis-je crié que je la retrouve mendiant dans la rue, gisant misérable et malade sur un lit d'hôpital, abandonné et méprisé par tous sur cette terre, pourvu que je la retrouve n'importe où et n'importe comment, aussi vrai que la lumière est au ciel. J'en ferai ma femme. Il y a des années de cela, et pendant 8 années, j'ai fait cette prière. Elle a été exaucée, et me voici. Sir Reginald a été bien bon pour moi, dit-elle en réponse à ce discours, et j'essayais de faire mon devoir envers lui. Oh oui, Claribel, je le pense et je le crois. Vous avez fait aussi votre devoir envers votre tante, et envers vos tuteurs, en foulant au pied mon cœur il y a 8 ans, et en me manquant de parole pour épouser Sir Reginald Lissell. Ils m'ont tant tourmenté, ils m'ont dit des choses si cruelles. Oui, ils vous ont dit que j'étais amoureux de votre fortune, n'est-ce pas ? Ils vous ont dit que le pauvre officier indien, sans fortune, ne recherchait la fille orpheline du riche négociant que pour les millions que lui avait laissés son père. Voilà ce qu'ils disaient, et vous, vous qui me connaissiez, vous qui saviez mon amour, vous les avez crus, Claribel. J'avais peur de me rapporter à mon seul jugement. Oui, Lady Lissell, cela était la grande faute de votre vie. Il saisit ses poignets délicats dans ses 2 vigoureuses mains, et la tenant à quelque distance en face de lui, il la regarda avec amour. « Grand Dieu, » reprit-il, « Comment un homme peut-il échafauder tout l'espoir de sa vie sur un roseau aussi faible et aussi digne de pitié? Qui peut s'étonner que le naufrage ait eu lieu? Ma pauvre Claribel, si belle, si fragile, mais sans âme! On pourrait aussi bien compter sur la force de ces Jacinthe Després que sur votre constance et votre foi. Vous êtes bien cruel, Arthur. Trouvez-vous? Vous souvient-il de septembre, il y a 8 ans? Qui fut cruel alors, Claribel? Nous sommes à l'endroit même où nous étions ce soir. Oh, comme la douleur et le souvenir de cette scène d'autrefois reviennent envahir mon cœur. Comme ces tortures paraissent plus cruelles pour torturer mon âme brisée. Chaque nuit, pendant des années, j'ai rêvé de ce coteau et des moindres détails de notre triste séparation. J'ai entendu le froissement de votre robe de soie lorsque le vent l'a secouée sur les buissons. J'ai senti le léger toucher de votre petite main sur mon bras. J'ai vu vos larmes. Je me suis rappelé vos paroles déchirantes et désespérées, qui n'étaient pas moins douloureuses pour vous que pour moi. Je vous ai serré sur ma poitrine comme dans la dernière étreinte de notre séparation. Et je me suis souvent réveillé dans la jungle pour regarder les étoiles à travers la toile de ma tente et écouter au loin les hurlements des chacals affamés. J'ai beaucoup souffert. J'ai souffert autant que vous, dit-elle d'une voix entrecoupée. Non, Claribel, c'est une erreur commune de penser qu'une femme souffre de semblables peines. Elle souffre, mais elle souffre chez elle. Et la douleur même a souvent dans son intensité une influence favorable sur elle, qui en fait une femme meilleure. Pour l'homme, c'est tout différent. Il voit ses espérances ruinées et le but de sa vie manqué. Et tournant le dos au désastre, il va dans le monde chercher des distractions. Je ne vous dirai pas, Lady Lessel, quelle large signification a ce mot, distraction. Je veux seulement vous dire qu'il y a 8 ans, j'étais digne de vous, tandis qu'aujourd'hui je ne le suis plus. Vous ne m'aimiez pas alors? Demanda-t-elle. Si, Claribel, si. Mon cœur n'a jamais eu la force d'en aimer une autre. J'ai vu des femmes plus belles et plus dignes d'être aimées. Mais dans ma folie et pour mon malheur, je n'ai pu vous oublier ni cesser de vous adorer. Je vous maudissais pour votre fausseté. Je vous méprisais à cause de votre abandon. Et pendant 8 années de chagrin, de fatigue et de désespoir, je me suis toujours souvenu que je vous aimais. Dites, ne méritais-je pas quelque récompense? Vous êtes votre seule maîtresse aujourd'hui. Votre tante, qui avait sur vous une influence si grande, est morte depuis longtemps. Vos tuteurs n'ont plus aucune autorité sur vous, Claribel. Je vous demande, maintenant que vous êtes libre, et à l'endroit même où il y a 8 ans, vous m'avez laissé désespérer, me traînant à cette place, voulez-vous être fidèle au serment de votre jeunesse? Elle garda le silence pendant quelques instants, et essuyant les larmes qui n'avaient cessé de couler pendant cette entrevue, elle dit à voix basse « Oui, Arthur, si cela peut vous rendre heureux. » Elle prononça ces paroles plutôt sous une impression de crainte que par un élan naturel. Arthur l'entoura de ses bras, et l'attirant à lui, il la baisa au front, puis il la conduisit en silence jusqu'à la voiture. « Maman, maman !» s'écria l'enfant de sa voix tremblante pendant qu'ils approchaient. « J'ai cru que tu ne viendrais jamais !» J'ai si faim, il fait presque nuit, et puis Brooks est fatigué de me conter des histoires. Parce que vous les avez déjà entendues toutes plusieurs fois, se reporte, dit le groom en portant la main à son chapeau. Ainsi Brooks vous raconte des histoires, se reporte, dit le capitaine en riant. Jack le tueur de géants, sans doute, et le petit pousset. Je crois que je trouverai bien quelques contes de l'Inde à vous raconter. Je vous aime beaucoup, et je voudrais bien que vous fussiez mon nouveau papa. « Montez, sœur Report, dit Brooks, il est près de 8 heures, et votre maman va vous ramener à la maison. » Le léger phaéton partit sur une route en pente, et une demi-heure plus tard, il franchissait la grille de Lestlewood Park, une des résidences les plus considérables et les plus belles du comté de Sussex. Le petit baronnet était enchanté de sa nouvelle connaissance, et il retint le capitaine jusqu'à 9 heures, occupé à lui inventer et à lui raconter des histoires. Mais à 7 heures, une grave gouvernante parut sur la porte du salon, et non sans une difficulté extrême, persuada sœur Report de regagner avec elle son appartement. « Vous gâtez votre fils, Claribel, » dit le capitaine quand l'enfant fut sorti. « Comment pourrais-je faire autrement? Il est tout ce que j'ai eu à aimer. Il est très gentil, mais il n'a pas l'air très fort. » « Non, il n'est pas robuste. C'est une des raisons qui font que je lui laisse faire à peu près tout ce qu'il veut. Les médecins prétendent qu'il ne faut pas le contrarier. C'est un enfant si nerveux. Est-il intelligent ? Demanda le capitaine. Mais non, je ne crois pas qu'il soit positivement intelligent, dit Lady Lessell en hésitant beaucoup. Il est très en retard pour ses études. M. Mason, le ministre, vient tous les matins du village et lui donne une leçon qui dure environ 2 heures. Je crains qu'il ne le trouve un peu paresseux. S'en plaint-il ? Oui, quelquefois, dit Lady Lessell d'un ton pensif. Peu importe, Claribel, il sera riche et n'a pas besoin d'être savant. C'est à nous, pauvres diables destinés à lutter en ce monde, qu'il faut de l'intelligence. Le capitaine dit ces mots avec un sourire plein d'amertume et se levant, il s'approcha de la cheminée. Alors, s'appuyant sur le marbre, il baissa les yeux sur la flamme. La lumière du foyer, éclairant fantastiquement son visage bruni, révéla la tristesse de ses grands yeux noirs et les lignes sévères de sa belle bouche abritée sous une moustache que caressait sans cesse sa puissante main. Lady Lessell, assise de l'autre côté de la cheminée, près d'une petite table chargée d'une lampe à abat-jour, fixait sur lui des regards étonnés. « Vous êtes changé, capitaine, » dit-elle après un instant. Il ne répondit pas immédiatement, mais il leva les épaules et continua à pousser du bout de son pied un morceau de charbon sur les barres de chenet en bronze. Bientôt il dit « Vous trouvez ? Je suis changé, très changé. Est-ce bien étonnant ? Après avoir mené 8 ans à la vie que l'on mène dans l'Inde, après avoir bu 8 ans du pale ale et de l'eau de vie, après 8 ans de billard, de dés, d'écarté, de jeux de hasard de toutes sortes, de cricket, de course, de chasse aux sangliers et aux tigres, de querelles et d'intrigues amoureuses, de batailles, d'emprunts et de dépenses. Bon, Lady Lessell, je pense que je ferais bien de ne pas achever ce catalogue, il pourrait ne pas être de votre goût. Arthur, dit Claribel Lessell, en roulant avec distraction ses longues boucles blondes autour de ses doigts blancs. Savez-vous que vous êtes devenu tout à fait ours ? Ours ! Il eut un petit rire moqueur. Ah, c'est tout le changement que vous trouvez ? Après 8 années de séparation. Mes manières ne sont pas aussi polies. Ma voix est devenue plus rude. Je dis des choses impertinentes, et je ris tout haut au nez des gens. Je suis nerveux et j'ai un mauvais caractère. C'est-à-dire que je ne fais pas semblant d'en avoir un bon, comme feraient des gens bien élevés. Je dîne en paletot et en gilet de couleur, et je me présente chez une dame qui m'a manqué de parole il y a 8 ans, et que je n'ai pas vue depuis cette époque à 6 heures de l'après-midi. Ne la trouvant pas chez elle, je la poursuis dans sa promenade. Je l'accoste dans un chemin solitaire et je lui demande de m'épouser avant que l'année de son veuvage soit expirée. En un mot, Lady Lessell, pour me servir de votre expression, je suis devenu ours, vous avez raison. Comme il finissait de parler, il se regarda dans la glace placée au-dessus de la cheminée et passant une main dans ses abondants cheveux noirs, il le rejeta vivement en arrière. Il se contempla pendant quelques moments avec un sourire plein de pensées. Lady Lessell l'examina avec une expression d'embarras marqué, mais elle ne dit rien. Son influence sur elle était évidemment énorme, et il y avait toujours une espèce de crainte dans sa manière d'être avec lui, crainte qui semblait prendre sa source dans la conscience de sa force à lui et dans celle de sa propre faiblesse. « Lady Lessell, vous ne me trouvez plus ce que j'étais au mois de septembre il y a 8 ans. » Et si je vous disais que je ne suis plus le même homme que j'étais alors ? Arthur, voyez mon visage dans la glace. Venez ici, Claribel, à côté de moi, et examinons-le ensemble. Il n'y a pas là de bien grand changement. 2 ou 3 rides à peine visibles sous les yeux, quelques lignes dures vers la bouche, et la teinte bronzée du soleil indien. Grand Dieu, que le visage reflète peu le cœur, et quel visage flétri, cicatrisé, vieilli sur le mien, s'il portait les traces de tous les orages que j'ai éprouvés intérieurement. Voyez pourtant, quel beau masque utile il sait prendre et comment la grande énigme, l'homme, peut se cacher derrière lui. Arthur, je déteste vous entendre parler ainsi. Oui, c'est le langage d'un ours, n'est-ce pas ? Je devrais être à vos pieds, vous raconter la jolie historiette à l'eau de rose de mes 8 années dans l'Inde. Comment, pour l'amour de vous, je n'ai jamais goûté d'ale double ? Comment, pour vous, je me suis tenu à distance des dés et des cartes. et comment j'ai fui la société des femmes pour rêver au souvenir de votre beau visage. Ce serait bien, n'est-ce pas, Claribel? Je ne vous dirai rien de tout cela. Je suis un ours, comme vous le dites, et je vais vous dire la vérité. Écoutez-moi donc. Je vous hais autant que je vous aime. Mon cœur est déchiré par ces deux passions, et je sais à peine laquelle des deux m'a ramené ce soir à vos pieds. Par votre manque de foi, vous avez commis un meurtre il y a 8 ans. Et c'est le spectre de Sir Arthur Walsingham, que vous avez tué alors, qui est à vos côtés en ce moment. À cause de vous et de votre trahison, j'étais joueur, ivrogne et débauché. Votre souvenir me poursuivait à toute heure de la vie, et pour échapper à cette torture cruelle, j'ai cherché à le noyer dans le vin, le jeu et l'orgie. Voilà ce que je dois vous dire, Lady Lestrade, si je dois vous dire quelque chose. Arthur, mon cœur se brise à vous entendre parler ainsi, dit-elle comme il se détournait et cachait sa tête dans ses mains. Arthur, j'ai promis de faire tout ce qui serait en mon pouvoir pour vous dédommager du passé. J'ai promis, n'est-ce pas? Répéta-t-elle en essayant de lui relever la tête avec ses mignonnes mains. Oui, oui, vous êtes bonne, Claribel, et vous avez promis d'être ma femme, enfin. Oh, ma bien-aimée, mon tyran, ma chère et cruelle Claribel, que ce douloureux passé, je vous en prie, soit à jamais oublié, et qu'aucune suite de cette sombre page ne retombe sur cette tête charmante. Il attira ses boucles ravissantes sur son épaule, et la regarda d'un œil à la fois tendre et triste, et plein de compassion. Claribel, vous avez promis de m'épouser, reprit-il. Vous repentez-vous d'avoir fait ce serment téméraire? Est-ce la terreur qui vous a amené à céder à ma prière? Souvenez-vous, ma bien-aimée, qu'il n'est pas trop tard. Dites un mot, et ce soir je quitte cette maison, et dans 2 jours je serai en route pour l'Inde. Un mot, Claribel, et vous serez débarrassée de moi pour toujours. Elle leva ses yeux pleins de larmes, et mettant ses petits doigts dans sa large main, elle dit d'une voix faible et entrecoupée de soupirs. Jamais, jamais je n'aimais que vous. J'ai été bien coupable. Le jour où je vous ai manqué de parole pour épouser Sir Reginald Lestrade. Mais j'étais trop faible pour résister à l'autorité de mes parents. Combien de fois, le soir, du vivant de mon mari, suis-je resté en face de lui à ce même foyer, pensant à vous, jusqu'à ce que cette chambre et le visage de mon mari disparussent. Je vous voyais blessé sur quelque champ de bataille ou endormi dans quelque forêt sinistre, seul, abandonné, malade, mourant. Mais Dieu merci, vous êtes sain et sauf. Vous m'êtes revenu. Vous m'aimez encore. Encore et pour toujours. Je vous dis que c'est ma folie, Claribel. Vous m'épouserez donc, qu'il en advienne ce qu'à Dieu plaira, de bien ou de mal. Oui. Elle tremblait en levant les yeux sur son visage sombre, et d'une voix craintive, elle répéta lentement les derniers mots qu'il avait prononcés. De bien ou de mal.